me fecca dongiri le lai nindoni moko minga sirai moye ya fa nemo denning eleni ferretani faccia te nambam sotentaio ne jigi etere lume soko ma terrepe wiri terrete seke ne jigi etere Zoya masekina pakama Nintoni mohomi ngasirasa Mwaya fanima Brigadier, qu'à vous voyez.